toute ma vie, je t'ai dans le sang. Tu cours, va-t'en, va-t'en, c'est toute une vie, t'es toute ma vie, je ne pourrais pas faire ça. Je suis femme.